L'œuf numéro 4 par Brada. 1. La prince Adalbert de Sauerapfel à la baronne von Nobelfamilien. Chère tante, vous voulez une longue lettre qui vous dira ce que je pense de Sauerapfel, ou plutôt de ses habitants. Je suis arrivé bien fatigué, n'ayant pu, comme le prince Adalbert, dormir tout le long de la route. L'approche du château est fort majestueuse, on nous a beaucoup acclamés. Hélas, ce ne sont plus nos sujets. En montant l'avenue, j'ai récité quelques lignes de notre cher Goethe à Adalbert. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de poésie dans l'âme. Leurs Altesses Sérénissimes m'attendaient à l'entrée qui avait été décorée de charmantes guirlandes de feuillages et de fleurs. Derrière ma belle-mère se tenait la respectable chanoinesse de Jungfernstieg, qui est sa dame d'honneur depuis 30 ans, et à côté du prince, le fidèle chambellan comte de Rothenase. Le prince, qui est très gros et fort rouge avec un air imposant, m'a embrassé sur les deux joues, et la princesse m'a serré dans ses bras. Elle est habillée à la française, avec beaucoup de goût. L'excellent chambellan et la chanoinesse ont voulu me baiser la main et me rendre les mêmes honneurs que si leurs altes et sérénissimes eussent encore régné dans leur capitale. J'étais bien ému et j'ai saisi l'occasion de citer à la chanoinesse de Jungfernstieg quelques lignes de notre Schiller. Elle me paraît avoir l'âme sensible et les a aussitôt répétées à ma respectable belle-mère qui a semblé satisfaite de l'allusion. Il y avait grand couvert en mon honneur. Les derniers événements ont condamné les princes de Sauerapfel à bien des sacrifices, mais cependant 4 magnifiques valets en livrée rouge nous servaient. Malheureusement, il y en avait 2 très grands et 2 très petits. Son Altesse Sérénissime m'a fait observer que c'est là où conduisait le progrès. Et le chambellan m'a confié, la mort dans l'âme, que 2 des valets servaient le jour dans le jardin. Le prince a daigné boire plusieurs fois à ma santé. La princesse m'a interrogé avec sollicitude sur mes goûts et m'a demandé le prix de plusieurs choses. Malheureusement, je l'ignorais. Elle a soupiré en regardant la chanoinesse. Il paraît que les princesses de Sauerapfel ont toujours été renommées pour une noble économie. Le prince ne parle que très peu, par dignité sans doute. Le chambellan et la chanoinesse se sont entretenus assez longtemps d'un comte Wolfgang et d'une comtesse Marie. Je leur ai demandé si ces personnes étaient de leur famille. J'ai appris qu'il s'agissait d'un grand-oncle mort il y a 150 ans et d'une noble aïeule qui vivait il y a 2 siècles. Ma belle-mère nous a raconté des faits pleins d'intérêt sur l'empereur Frédéric Barberousse, dont son aïeul était le confident intime. Elle a voulu savoir si quelqu'un de notre famille était à la cour de ce temps-là. J'ai dit que je vous le demanderais, ma chère tante. Ma belle-mère a ajouté qu'il était vrai que notre principauté n'avait point l'importance de l'électorat de Sauerapfel. Elle m'a adjuré de ne jamais oublier que j'étais l'épouse d'un Sauerapfel. Après dîner, la chanoinesse m'a montré les portraits de toutes les princesses de Sauerapfel. Il y en a 52, tous parfaitement authentiques. Nous avons passé la soirée en famille. Le chambellan, qui est très bon musicien, a joué plusieurs mélodies au violon. La lune éclairait le parc et argentait la surface du lac. En rentrant dans mon appartement, j'ai composé quelques vers que j'ai ajoutés à mon album. Je les ai dédiés à ma chère tante, dont je suis l'affectionnée nièce, Marie. 2. De la même à la même, ma chère tante. Leurs Altesses Sérénissimes me chargent de vous prier de remercier le grand-duc de son souvenir. Mon beau-père a été heureux de voir que le grand-duc n'avait point oublié son fidèle allié. Adalbert a eu un fort mal de dents la semaine passée, mais comme il est toujours dehors, exposé à tous les temps, je n'ai pas été surprise. Il n'y a rien de nouveau à Sauerapfel, si ce n'est que Doris se plaint de ce qu'on mange du schinken, du jambon cru, à tous les repas. Je n'ai pas osé en parler à Adalbert sans consulter ma chère tante, à laquelle je confierai aussi qu'il n'y a plus de grand couvert. Le chambellan et la chanoinesse n'acceptent jamais que d'un seul plat. Et il m'a paru que la princesse éprouvait une légère surprise à me voir toujours prendre des 2 qui forment le petit couvert. Le chambellan de Rothenase parle sans cesse de grands repas que son Altesse Sérénissime donnait autrefois. Ce temps me paraît passé. Je serais étonné du peu de nourriture sur laquelle subsiste la chanoinesse de Jungfernstieg si Doris ne m'avait confié que la chanoinesse mange du saucisson en cachette après les repas. En revanche, son Altesse Sérénissime me paraît prendre plus de bière et de schnapps qu'il ne serait bon pour sa santé. Le chambellan, qui remarquait que je m'en apercevais, m'a dit en secret que son Altesse Sérénissime cherchait à étourdir ses regrets à la pensée de ses sujets privés de son gouvernement paternel. L'électorat contenait 325 familles, dont 250 de la première noblesse. Toutes, il paraît, sont plongées dans la douleur. Je dois ajouter qu'Adalbert partage un peu trop vivement les regrets de son illustre père. Le soir, ni lui ni le prince ne sont disposés à la conversation. La princesse, la chanoinesse de Jungfernstieg et le comte Rothenase ont l'habitude de faire un whist pour des pastilles de chocolat. Jamais ma belle-mère ne permet qu'on joue pour de l'argent. Elle autorise la distraction, elle défend la spéculation. On m'a proposé de jouer, mais je préfère la lecture d'un de mes chers poètes. À 10 heures, le chambellan allume le bougeoir de son Altesse Sérénissime et la précède jusqu'à son appartement. J'avoue que je m'imaginais trouver une existence un peu plus variée, et que je regrette souvent notre belle cour de X. Adieu, ma chère tante, votre nièce affectionnée, Marie. 3. De la même à la même. Je n'ai pas encore transmis votre jolie poésie à la chanoinesse, ma chère tante. Je vous dirai que depuis quelques jours, je lui témoigne un peu de froideur. J'ai remarqué que ses révérences devenaient de plus en plus écourtées. Et le soir, ce n'est vraiment plus qu'un signe de tête. Vous comprenez, ma chère tante, que ce sont des choses qu'une princesse de Zauerapfel et nièce du grand-duc de X ne peut tolérer. Ce n'est pas du reste mon seul sujet de mécontentement. Je voulais vous cacher ces tristes dissensions, mais, comme mes remontrances à Adalbert sont restées sans effet, je viens m'en remettre à vos conseils et à votre sagesse. Voici ce dont il s'agit, et je suis persuadé, ma chère tante, que vous sentirez toute la gravité de la chose. Je vous ai déjà révélé que les derniers événements ont amené de grands changements dans la manière de vivre à Zauerapfel. Le poulailler est sous la direction personnelle de la princesse, et les œufs sont servis à table numérotée selon leur fraîcheur, 1, 2, 3, 4, etc. Croiriez-vous, ma chère tante, qu'on persiste à m'offrir l'œuf numéro 4 ? Son Altesse Sérénissime prend le numéro 1, ma belle-mère le numéro 2, Adalbert le numéro 3 et moi, on me laisse le numéro 4. J'ai fait observer à mon mari que la nièce du grand-duc régnant de X ne pouvait accepter l'œuf numéro 4 et que si je voulais bien par respect céder le numéro 1 à son Altesse Sérénissime, j'entendais avoir l'œuf numéro 2. J'ai éprouvé un refus formel. Chaque jour, on m'offre le numéro 4 que je n'accepte jamais. La situation est devenue si tendue que je ne puis la dissimuler plus longtemps, ma chère tante. J'attends avec impatience une lettre de vous. Votre affligée nièce, Marie. 4. La baronne von Nobelfamilien à la princesse Adalbert de Zauerapfel. Mon cher trésor, aussitôt après avoir lu ta chère missive, je me suis rendu chez son Altesse royale, à laquelle j'ai fait demander une audience particulière. Notre oncle et cher souverain m'a tendrement accueilli, et à la lecture de ta lettre, il s'est levé en répétant que cela était intolérable, que jamais la petite fille de son frère ne devait accepter une situation si peu conforme à sa naissance. Il a immédiatement écrit de sa propre main à son Altesse Sérénissime, la princesse de Zauerapfel. « Tu as eu raison, mon cher trésor, de m'avertir de ce qui arrivait. Le grand-duc s'est montré fort mécontent d'Adalbert, tu peux le lui dire. Ta tante, baronne von Nobelfamilien. » 5. La princesse de Zauerapfel à la baronne von Nobelfamilien. Chère madame la baronne, avant de répondre à la communication de son Altesse royale le grand-duc, je veux d'abord m'adresser à vous, persuadé que votre affection pour la princesse Adalbert de Zauerapfel vous empêche de juger la question sous son véritable aspect. J'ai fait appel à toutes les traditions des illustres électeurs de Zauerapfel. J'ai consulté les lumières du chambellan de Rothenase. Grâce à ces soins, nous avons appris qu'à la cour du défunt empereur Frédéric Barberousse, deux douairières de Zauerapfel vivaient en même temps qu'une jeune princesse Wilfried de Zauerapfel, à laquelle l'œuf numéro 5 était offert sans qu'elle fît la moindre objection. J'oserais rappeler à la haute-née Madame la Baronne que la parenté de la princesse Adalbert avec son Altesse royale le grand-duc est morganatique et que la maison de Zauerapfel ne compte point un seul de ses mariages. J'espère que ces raisons seront communiquées à son Altesse royale. princesse de Sauerapfel. 6. La baronne von Nobelfamilien à son Altesse Sérénissime, la princesse de Sauerapfel. J'ai le regret d'apprendre à votre Altesse Sérénissime que son Altesse royale le Grand-Duc a été offensé de la lettre que vous avez eu la bonté de m'écrire. Son Altesse royale le Grand-Duc, après avoir consulté ses ministres, me charge d'informer votre Altesse Sérénissime qu'il considérerait comme une offense personnelle la continuation du refus d'offrir à la princesse, sa nièce, l'œuf numéro 2. En ce cas, son Altesse royale lui conseillerait de rentrer à la cour de X, Baronne von Nobelfamilien. 7. La princesse von Sauerapfel à la baronne von Nobelfamilien. Chère madame la baronne, il est sans exemple que l'épouse de l'héritier de l'électeur de Sauerapfel ait quitté la cour de ses parents. Son Altesse Sérénissime et moi sommes vivement attachés à son Altesse royale le Grand-Duc, et le départ de sa nièce, notre chère fille, nous causerait la plus vive douleur. Imposant silence aux traditions du passé, je viens proposer que dorénavant l'œuf numéro 3 soit offert à la princesse Adalbert. J'espère que son Altesse royale comprendra la grandeur du sacrifice que je m'impose et que je fais uniquement par respect pour son illustre famille. Princesse de Sauerapfel. 8. Le chambellan Schwerkopf à la princesse de Sauerapfel. Je suis chargé par mon auguste maître d'annoncer à votre Altesse Sérénissime que son Altesse royale ne peut admettre la proposition de l'œuf numéro 3 pour son illustre nièce, la princesse Adalbert de Sauerapfel, et que dans le cas où l'œuf numéro 2 lui serait refusé, les sentiments de son Altesse royale envers la maison de Sauerapfel pourraient éprouver des modifications. Je suis de votre Altesse Sérénissime, le très humble serviteur, chambellan de Schwerkopf. 9. La princesse Adalbert de Sauerapfel à sa tante. Chère tante, vous ne pouvez vous imaginer l'agitation qui règne ici. Plusieurs fois par jour, la princesse a des consultations avec le chambellan et la chanoinesse. Adalbert continue à ne rien dire et refuse d'entrer en lutte avec ses parents. On m'a encore offert hier matin l'œuf numéro 4. Mais avant le dîner est arrivée la lettre de l'excellent Schwerkopf. La princesse a eu des attaques de nerfs. La chanoinesse s'est évanouie et son Altesse Sérénissime a bu 3 verres de schnapps. Cependant, le prince a déclaré que pour en finir, il me céderait l'œuf numéro 1. Ma belle-mère s'est écrit aussitôt qu'elle mourrait s'il devait voir l'électeur de Sauerapfel l'abaisser dans sa propre famille. Elle s'est servie de termes très impertinents en parlant de son Altesse royale, prétendant qu'il avait été bien heureux autrefois de l'alliance des Sauerapfel. J'attends les ordres de notre cher oncle pour savoir ce que je dois faire, mais il me semble que notre famille a été outragée. Votre affectionnée nièce, Marie. 10. La baronne von Nobelfamilien à la princesse Adalbert de Sauerapfel. Cher petit trésor, ce soir le comte Zusenlippen quitte la cour de X pour se rendre à Sauerapfel. Ce n'est pas la première mission délicate dont il a l'honneur d'être chargé par son Altesse royale. J'ai été appelé en conférence secrète chez le grand-duc et j'ai communiqué à Zusenlippen toutes tes lettres. Il s'est rendu parfaitement compte de la situation. Il la trouve très délicate, mais sa vieille expérience diplomatique lui indiquera la voie à suivre. Sa politique sera de conciliation. Je n'ai pas besoin de te dire qu'il ne s'agit pas de concession. La nièce de son Altesse royale, le grand-duc régnant de X, ne peut pas en faire. Zusenlippen a presque promis un résultat favorable, mais il n'a pas voulu dire son secret même à son Altesse royale. Je n'ai pas besoin de te faire part de mes inquiétudes, mon cher petit trésor. Ta tante, baronne von Nobelfamilien. 11. Le comte de Zusenlippen à son Altesse royale, le grand-duc de X. J'ai l'honneur de rendre compte à votre Altesse royale de ma mission à Sauerapfel. J'ai trouvé leurs Altesses sérénissimes dans un état d'agitation extrême. Je les ai assurés que je venais chargé d'une mission de conciliation. Je ne puis cacher à votre Altesse royale que leurs Altesses sérénissimes, et en particulier la princesse, me paraissent remplies de prétentions impossibles à soutenir vis-à-vis de votre Altesse royale. Après avoir salué la princesse Adalbert, qui m'a exprimé d'une façon touchante sa satisfaction de voir un envoyé de son auguste parent, j'ai fait demander une entrevue au chambellan de Rothenaz. Je lui ai alors communiqué le plan que j'ai mûri pendant 2 nuits. Je l'ai donc prié de répéter à leurs altesses sérénissimes que pour calmer toutes les susceptibilités, tant celles de la noble famille de X que celles de la maison Zauer Apfel, je proposerai que dorénavant toute la famille mange des œufs numéro 4. Les numéros 1, 2, 3 pourraient être offerts soit au chambellan de service, soit à la chanoinesse de Jungfernstieg. Le comte de Rothenaz parut charmé de ma proposition. Elle me semble en effet de nature à tout concilier. Mais j'ai le regret d'ajouter qu'en l'entendant, leurs altesses sérénissimes et spécialement la princesse ont déclaré que jamais les lecteurs de Zauer Apfel ni son épouse ne s'abaisseraient à l'œuf numéro 4. En présence de cette fin de non-recevoir, j'ai conseillé à la princesse Adalbert de garder ses appartements, et je viens d'apprendre, par une longue conversation qu'elle m'a fait l'honneur d'avoir avec elle, que la princesse a-t-il loin de trouver à Zauer Apfel les égards dus à la nièce de votre Altesse royale. Je me suis senti révolté de l'ingratitude de l'ancien électeur que votre Altesse royale vient encore de combler de bonté en nommant le prince Adalbert colonel du régiment des cuirassiers orange. J'ai été frappé également de ne point trouver, excepté dans les appartements particuliers de la princesse Adalbert, de portrait de votre Altesse royale. Je crains que tous les moyens de conciliation ne soient épuisés, et qu'il ne reste qu'à rappeler l'auguste princesse à la cour de votre Altesse royale, dont je suis le plus humble et le plus dévoué sujet. Zusenlippen. Extrait de la Gazette officielle de X. Hier, une foule énorme et sympathique se pressait sur le chemin que devait parcourir la voiture de son Altesse royale, la princesse Adalbert de Zauer Apfel, nièce de son Altesse royale, le grand-duc régnant. La princesse, accompagnée du distingué diplomate, le comte de Zusenlippen, a quitté le château de Zauer Apfel à la suite d'événements dont la gravité nous est connue, mais que de hautes considérations politiques nous forcent à taire. Le prince Adalbert de Zauer Apfel cesse d'être colonel du régiment des cuirassiers orange. La rupture entre les deux cours est complète. Ainsi s'achève l'œuf numéro 4 par Brada.